Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la nuit des longs couteaux de novembre 1981. Le Canada célèbre aujourd'hui son accession à la pleine souveraineté. La Constitution canadienne est enfin revenue au pays et nous pourrons désormais la modifier nous-mêmes sans recourir au Parlement du Royaume-Uni. Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, lors de la cérémonie entourant le rapatriement de la Constitution canadienne le 17 avril 1982 à Ottawa. Cette cérémonie, c'est l'aboutissement d'une année et demie à peu près de tiraillements politiques et de négociations entre Ottawa et les provinces pour en arriver à une entente sur une nouvelle Constitution canadienne. En novembre 81, Pierre Elliott Trudeau va réussir à obtenir l'accord des provinces sur son projet de nouvelle Constitution. Toutes les provinces seront d'accord, sauf le Québec, et c'est dans la nuit du 4 au 5 novembre que sera conclu cet accord sans le Québec, cette nuit qu'on va appeler, dans le contexte canadien, la nuit des longs couteaux. Sur le rapatriement, je suis content de dire que nous avons résolu ce problème, que nous nous sommes mis d'accord non seulement sur le fait qu'il devait y avoir une constitution canadienne, mais que nous nous sommes mis d'accord sur une formule pour amender cette constitution. C'est Alan Blakeney qui a été l'artisan de cet accord. En soirée, hier, une première rencontre entre M. Jean Chrétien et Roy Romano permet d'ébaucher l'entente. Alan Blakeney réunit dans sa chambre des représentants de 6 provinces et ensemble, ils fignolent le document. Peter Lougheed se fait tirer l'oreille. Blakeney communique avec William Davis, qui à son tour appelle le premier ministre Trudeau. Ce dernier accepte d'en discuter. Peter Lougheed se rallie. L'entente est conclue. C'est Brian Peckford qui en assumera la paternité et René Lévesque l'apprendra à 8 heures ce matin. Ici, Daniel Lessard. Il n'est absolument pas question pour un gouvernement québécois qui se respecte d'accepter une pareille évolution. Jamais le gouvernement actuel du Québec, ni votre serviteur, ne capituleront là-dessus. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit, et surtout des pouvoirs à la fois traditionnels et fondamentaux, sans notre consentement. Le 5 novembre 1981, Pierre Elliott Trudeau, qui se félicite de l'accord intervenu au cours de la nuit, cette nuit des longs couteaux que décrivait brièvement le journaliste Daniel Lessard dans l'extrait qu'on vient d'entendre, et puis René Lévesque, le premier ministre du Québec, pour qui il ne sera jamais question pour son gouvernement d'accepter cette entente signée sans le consentement du Québec. De fait, aujourd'hui encore, le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne de 1982. Pour nous raconter le contexte menant à cette fameuse nuit des longs couteaux, l'historien Frédéric Bastien, professeur au Collège Dawson, auteur entre autres du livre « La bataille de Londres, dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel » publié aux éditions Boréal en 2013. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Cette appellation d'abord, de la nuit des longs couteaux, ça vient d'où? Pourquoi la nuit des longs couteaux? Oui, bien d'abord, la nuit des longs couteaux, c'est un événement qui s'est passé en Allemagne. Donc, ça fait référence à un événement passé dans 1934. À l'époque, donc, Hitler vient d'arriver au pouvoir depuis un certain temps et il décide de liquider un certain nombre de collaborateurs et quelques centaines, en fait. Et cette nuit qui se passe en février 1934, si ma mémoire est bonne, est appelée la nuit des longs couteaux. Donc c'est ça la référence. La référence à cet évident événement tout à fait dramatique. Ouais. Et donc, on a repris, et on ne sait pas trop qui a repris en premier cette expression de nuit des longs couteaux pour décrire les négociations qui ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981, négociations constitutionnelles qui vont mener à l'isolement du Québec. Et donc, c'est apparu dans les semaines qui ont suivi, et ensuite les journalistes ont commencé à l'utiliser dans des articles pour faire référence à ces événements. C'est très fort, en tout cas, comme image, et c'est... Le souvenir qu'on a de ça, il est aussi encore très vif aujourd'hui. C'est dans les événements politiques, probablement un des événements politiques au pays qui est le plus profondément inscrit dans notre mémoire collective. Pourquoi c'est encore aussi présent, Frédéric Bastien? Parce que je pense que c'est un des moments tragiques de l'histoire québécoise. Un moment où les aspirations du Québec ont été, je dirais, on pourrait dire, non seulement balayées du revers de la main par le reste du Canada, mais peut-être même écrasées par le reste du Canada. Donc, c'est un de ces moments qui, en quelque sorte, fait mal, un peu comme la conquête, les rébellions. Ouais. Dans la perspective québécoise, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Parce que je lisais un article en préparant cette émission, écrit il y a quelques années par Bob Rae, ancien premier ministre de l'Ontario, ancien député et ministre au fédéral, fédéraliste, évidemment, ontarien, qui dit il y a toute une mythologie de sa perspective à lui. Il n'y a pas eu de trahison du Québec. Il y a vraiment deux solitudes là, dans cette interprétation de cette nuit. Oui, absolument. Mais je pense quand même que, effectivement, l'expression « nuit des longs couteaux » est une expression exagérée. Je pense que à force de... quand on veut discréditer quelqu'un, on dit « voilà, c'est un nazi » ou « on associe ça ». Il y a une exagération à tout le moins dans l'appellation « nuit des longs couteaux ». Alors, évidemment, le Québec a été vraiment... s'est retrouvé seul, isolé, ça, c'est indéniable. Mais effectivement, je pense que là-dessus, M. Rae a raison de dire que c'est un peu... on a peut-être utilisé des termes beaucoup trop forts pour décrire ce qui est quand même quelque chose de tragique malgré tout. Ouais. Puis une négociation, on va y revenir, mais qui se fait cette nuit-là sans le Québec. Le Québec n'a pas voix au chapitre cette fameuse nuit du 4 au 5 novembre. Ça s'inscrit cette nuit-là dans une conférence constitutionnelle, ce qu'on a appelé la conférence de la dernière chance. Dans quel contexte on en arrive à cette fameuse conférence de la dernière chance, Frédéric Bastien? Oui, il y a plusieurs circonstances, mais je voudrais juste dire que le Québec n'était pas le seul qui n'était pas là lors de cette nuit-là. Il y avait d'autres premiers ministres qui n'étaient pas là. Le Manitoba, par exemple, n'était pas là. Mais contacté par la suite. L'Ontario non plus n'était pas physiquement au début des pourparlers. Non, c'est ça. Mais on avait tenté de rejoindre le Québec. Il y a des tentatives qui ont été faites par la délégation de Terre-Neuve. Donc, c'était pas un plan concocté, sciemment préparé pour isoler le Québec. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est un peu le fruit... On ne savait pas avant la conférence, avant le début de la conférence, qu'il y aurait ce résultat. Et on ne s'est pas dit, surtout, il ne faut pas en parler au Québec. Et surtout, on va tous se mettre ensemble pour isoler le Québec. C'était pas dans cet esprit-là que ça a été fait. C'est ça que je voulais dire. Alors, on arrive à Ottawa, à cette fameuse conférence. Dans quelles circonstances? Alors, donc, il y a un jugement de la Cour suprême qui a dit que M. Trudeau ne pouvait pas procéder unilatéralement au rapatriement de la Constitution. Et il y avait deux provinces qui l'appuyaient, Ontario, Nouveau-Brunswick. Donc, la Cour suprême avait dit, sans entrer dans les détails, que c'était insuffisant. Et par conséquent, c'est la conférence pour essayer de trouver un compromis. Parce que Trudeau est obligé, finalement. Il se rend compte, avec ce jugement de la Cour suprême, qu'il doit parler aux provinces. Il ne peut pas, comme il le pensait, rapatrier unilatéralement, sans l'accord des provinces, la Constitution. C'est un peu ça, le point de départ. Absolument, c'est ça. Et il y a 8 provinces qui sont opposées à lui, donc toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est d'un côté la bande des 8, les 8 provinces, et de l'autre côté, M. Trudeau, appuyé par le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Ouais. Et là, on négocie pour essayer de trouver un compromis. On peut se dire tout de suite que au départ, c'est plutôt tendu. Ça commence à la première journée. Je pense qu'il n'y a pas grand monde autour de la table à ce moment-là qui se dit « on va sortir d'ici avec un accord ». En tout cas, il y a encore des divergences très, très profondes. Parlons du Québec tout de suite. On parlera du Canada anglais dans un instant. Mais quel est l'objectif du Québec au début de la conférence? L'objectif du Québec depuis le départ, c'est de faire dérailler le projet de M. Trudeau, qui est complètement inacceptable parce qu'il va affaiblir les pouvoirs, enlever des pouvoirs à l'Assemblée nationale du Québec. Et donc, par conséquent, dès le départ, pour le Québec, c'est une fin de non-recevoir. On souhaite l'impasse du côté québécois au début de cette conférence. Ben, on souhaite soit un accord qui va complètement vider le projet de Trudeau de sa substance, donc un accord qui va préserver intégralement les pouvoirs du Québec, donc un accord où il n'y aurait pas cette charte des droits qui est vue comme un cheval de Troie pour envahir certaines compétences provinciales, notamment en matière d'éducation et de langue. Et donc, on serait prêt à un accord sans charte des droits ou encore carrément faire échouer, évidemment, les négociations. Du côté du Canada anglais, comment? Du côté des provinces anglophones opposées à M. Trudeau, là, c'est différent. On est plus ouvert à un compromis. On est plus ouvert à un compromis. Alors, évidemment, si M. Trudeau ne bouge pas, on est prêt à torpiller l'entente. Mais quand même, si on voit du mouvement, il y a davantage d'ouverture à des compromis qui ne seraient pas par ailleurs acceptables pour le Québec. Là, donc, il y a une volonté des huit de bloquer M. Trudeau s'il reste campé sur ses positions. Mais là, à partir du moment où M. Trudeau accepterait certaines concessions, là, il n'y a plus de position commune des huit sur qu'est-ce qu'on fait si M. Trudeau effectivement renonce à son projet initial et entame des négociations sur tel ou tel point. Un exemple de ce qui, pour les provinces réfractaires à Trudeau, là, doit être supprimé, là, quelque chose qui n'est pas négociable pour elles. Ben, par exemple, pour l'Alberta, et c'était très important d'avoir une formule d'amendement qui ne donnerait aucun droit de veto à aucune province. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Alberta croit en l'égalité des provinces, donc il n'y a pas de provinces qui doivent avoir un statut particulier. Et donc, si deux provinces, par exemple, l'Ontario et le Québec, avaient un droit de veto comme il en était question à ce moment-là, l'Alberta n'est pas du tout partante dans ce genre d'entente. Donc ça, c'est par exemple un gros objectif de l'Alberta et peut-être aussi de quelques autres provinces, mais l'Alberta joue un rôle très important dans la rébellion ou l'opposition à M. Trudeau. Ça dure longtemps, cette conférence, pour une conférence constitutionnelle, ça va durer finalement 4 jours, 3 jours et demi avec cette fameuse nuit de négociation. Au début, on peut passer assez rapidement parce qu'au fond, on peut se dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Les positions sont plutôt campées. Absolument. Le ton est assez hostile entre M. Trudeau et M. Lévesque en particulier. Et puis, ce troisième jour arrive qui sera déterminant. Pierre-Éliott Trudeau, au troisième jour de la conférence, qui annonce une alliance Ottawa-Québec autour de l'idée d'un référendum sur une proposition de constitution et de charte des droits. Ce sera fondamental. Certains vont dire que c'est un point tournant de la conférence constitutionnelle de 81, cette annonce d'une alliance entre Ottawa et Québec. On écoute là-dessus parce qu'il y a une joute politique assez intéressante à cet égard. On écoute Pierre-Éliott Trudeau faire cette annonce, suivie de René Lévesque, le 4 novembre 81. Il y a une alliance Québec Canada qui est en train de se développer autour de la possibilité, une proposition que j'ai faite sur la table, que nous essayions pendant 2 ans d'améliorer la charte. Si nous réussissons, tant mieux. Si nous ne réussissons pas, nous allions à la population canadienne et nous leur disions, voulez-vous une charte, oui ou non? À midi, vous avez quelque peu enregistré la soi-disant, c'est M. Trudeau qui a dit ça, c'est pas moi, la soi-disant alliance. J'étais plus prudent et j'ai simplement dit qu'il y avait eu une ouverture intéressante ou qui paraissait même mériter d'être soigneusement considérée dans le sens d'un référendum, d'une proposition de référendum au besoin, s'il n'y avait pas d'entente sur l'agenda, là, sur l'ordre du jour. Un référendum dans lequel, évidemment, le Québec, vu que ça aurait été sur la base régionale, aurait eu un droit de veto s'il avait pris, en fonction de la décision que les Québécois prendraient dans ce référendum. Je pense que ça résume un peu ce que vous avez dit à midi. Ça s'est légèrement compliqué cet après-midi. Et le moins que je puisse dire, c'est que l'alliance devient terriblement incertaine. Comment on en vient à cette proposition, Frédéric Bastien, de référendum, puis quel impact ça va avoir dans le déroulement, dans la dynamique de cette conférence constitutionnelle? Bon, d'abord, ce que M. Trudeau a en tête, c'est un... Il dit, voilà, on va rapatrier la Constitution et pendant 2 ans, le résultat va être comme suspendu. On va simplement dire que la Grande-Bretagne va renoncer à ses pouvoirs sur la Constitution canadienne. Ça va nous retomber dans les mains, mais là, évidemment, on ne s'est pas entendu. Donc, on va continuer à négocier 2 ans sur la Charte des droits et sur la formule d'amendement. Et au bout de 2 ans, s'il n'y a pas d'accord, on va soumettre les 2 propositions à un référendum. Êtes-vous en faveur d'une charte? Êtes-vous en faveur de telle formule d'amendement ou telle autre? Alors, c'est en gros la proposition que M. Trudeau fait. Et M. Lévesque, au départ, l'Alliance des huit chambranle. L'Alliance des huit est un peu divisée par des courants, donc un peu différents, comme j'expliquais tout à l'heure. On ne vise pas les mêmes objectifs. M. Lévesque a des raisons assez bonnes de penser qu'il pourrait être largué par ses alliés. En tout cas, il le craint. Et donc, il y a notamment la Saskatchewan, qui est un allié vraiment très vacillant dans la bande des huit. Et donc, il voit cette idée de référendum sur la charte comme étant une possibilité de battre M. Trudeau. Mm-hmm. Il est convaincu que M. Lévesque était contre cette charte des droits. Et ça passerait pas au Québec. Et que ça passerait pas au Québec. C'est pas parce qu'il était contre les droits, mais c'est parce qu'il était, ouais. pensait que ça empiétait sur les compétences des provinces. Et donc, il se montre momentanément intéressé à cette affaire, mais quand il va apprendre les détails de la proposition, il va trouver que c'est pas vraiment une bonne idée. Puis il y a une astuce politique de la part de Trudeau de dire, de sortir en disant, de diviser pour mieux régner. Là, il y a encore un front commun devant lui. Il dit voilà, il dit pas ça comme ça, mais au fond, c'est le message du stratège, c'est pas de dire aux sept autres de la bande des huit, le Québec vient de vous lâcher. Je pense que M. Trudeau, par la suite, a présenté cet épisode comme « Regardez, moi, je suis un grand stratège et j'ai réussi à diviser la bande des huit. Ouais. » Mais au moment où il a fait cette proposition-là, il n'avait aucune idée de comment elle allait être reçue, qu'est-ce que le Québec allait en penser, qu'est-ce que les autres provinces allaient en penser. Mais ça ne passe pas du côté des provinces canadiennes anglaises. Non, ils ne veulent pas de référendum. Non, et ajoutons que ça ne passe pas au niveau de l'Ontario, qui est une province alliée de M. Trudeau. Ouais. Et là, les Ontariens ont averti M. Trudeau que si vous allez de l'avant avec cette idée de référendum, nous, on débarque. Donc, M. Trudeau perdrait son principal allié. Et là, évidemment, ça va le forcer à lui-même abandonner cette idée de référendum. Donc, ça tourne en queue de poisson, puis ce troisième jour de conférence, en fait, se termine vraiment dans l'impasse. Et on s'est entendu pour que ça se termine le lendemain matin. Là. À midi, c'est fini. Donc, le soir du 4 novembre, quand tout le monde rentre, les délégations des provinces rentrent chacune chez elles, on est vraiment dans une impasse, mais ça nous conduit à cette fameuse nuit de négociation, cette fameuse nuit des longs couteaux. Que se passe-t-il, Frédéric Bastien? Ben, il se passe qu'à la fin de la journée, donc juste au moment où on se laisse, la délégation de Terre-Neuve avec le premier ministre Brian Peckford dit « Nous, on a une nouvelle proposition, mais on va finalement, on va attendre à demain matin parce que ça, c'est avec le Trudeau-Lévesque viennent de s'invectiver. » Bon, bref, on va attendre à demain. Alors, durant la soirée, il y a des fonctionnaires de l'équipe de M. Peckford qui vont parler avec des fonctionnaires de d'autres provinces au Château-Laurier, notamment des fonctionnaires de Saskatchewan, en disant, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle proposition, etc. Et aussi, pendant ce temps-là, il y a M. Trudeau qui s'est fait dire par le premier ministre ontarien Bill Davis que là, il n'était pas question d'aller dans un référendum et qui... Et que là, il y avait une proposition de compromis qui émergeait du côté de Terre-Neuve, notamment. Et donc, il fallait mettre de l'eau dans son vin. Alors, Trudeau ouvre la porte à ça, mais il n'est pas mêlé directement aux discussions qui ont lieu dans la nuit. Donc, c'est les provinces... en fait, c'est beaucoup les provinces de la bande des huit, sauf le Québec, qui négocient entre elles. Au niveau des fonctionnaires, il y a certains ministres, certains premiers ministres, mais il y a des premiers ministres qui ne sont pas là. Alors, on négocie au cours de la nuit. Et le lendemain, les premiers ministres des huit se réunissaient à chaque matin pour déjeuner ensemble. Et là, l'accord est présenté aux premiers ministres des huit, là, qui sont tous rassemblés, sauf Lévesque qui arrive en retard de 20 minutes et arrive en fait à la fin de la réunion. Et là, il se rend compte qu'il y a eu cette entente au cours de la nuit et là, il n'est pas du tout content du résultat. Je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Ce sera au peuple québécois et à lui seul d'en tirer la conclusion. Beaucoup de gens, commencé par M. Trudeau, ont eu à la bouche le mot « peuple québécois » et la reconnaissance de cette dualité fondamentale qui constitue historiquement le Canada. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire « the Canadian way », hélas, traditionnel. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Mais une chose certaine, c'est que, à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. La réaction de René Lévesque, le 5 novembre 81, à la suite de cette entente d'Ottawa avec toutes les provinces sauf le Québec, qu'est-ce qui fait, Frédéric Bastien, que les provinces lâchent le Québec? Bien, en fait, c'est que M. Trudeau fait une concession sur la formule d'amendement. Il accepte la formule d'amendement qui avait été proposée par l'Alberta, qui ressemble un peu à la formule d'amendement des 8 en avril 81, mais on enlève le droit de veto avec compensation financière, qui était totalement fondamental pour le Québec. Donc, s'il y a un changement constitutionnel, le Québec, oui, peut décider de ne pas y participer, mais s'il y a de l'argent qui est impliqué dans ce changement constitutionnel, le Québec ne recevrait pas sa part. Et évidemment, il n'y a plus question de droit de veto, donc c'est totalement inacceptable pour le Québec, mais les autres provinces n'en voulaient pas. Mais est-ce que c'est en une nuit, au fond, pour revenir à cette image qui est peut-être trop forte, là, les autres provinces qui lâchent le Québec, mais le résultat, c'est ça quand même, le matin du 5 novembre. Est-ce que c'est cette nuit qui détermine tout, ou s'il n'y avait pas des brèches déjà assez importantes dans cette coalition des provinces contre Trudeau? Oui, il y avait des brèches dans la coalition, mais ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Oui. Je pense qu'il n'y avait rien de certain. C'était pas écrit dans le ciel. Tout était possible. Moi, je crois à la contingence dans l'histoire. Parfois, les circonstances ont des conséquences très, très fondamentales. Et je pense que c'est un exemple de contingence dans l'histoire. Donc, il y a une entente. Et évidemment, la charte de M. Trudeau, c'est ça qui gagne. Lui, Trudeau, il impose sa charte. Donc, autrement dit, c'est un échange entre... M. Trudeau accepte la formule d'amendement des provinces anglophones et les provinces anglophones acceptent la charte de M. Trudeau avec toutefois une clause dérogatoire pour un peu affaiblir le pouvoir que les juges auront pour invalider les lois des provinces ou les lois du gouvernement fédéral. Mais c'est un peu l'essence de l'entente qui est inacceptable pour le Québec. Ouais. La population, puis on termine là-dessus, la presse, la population, la réaction à ce moment-là au Québec et au Canada anglais. Je pense que la réaction au Québec va être négative dès le départ et les fédéralistes québécois ne seront pas à la cérémonie officielle du 17 avril 82. Claude Ryan, le chef du Parti libéral du Québec, va bouder la cérémonie officielle. Il y a immédiatement une tristesse, un malaise, vraiment, c'est vu dès le départ au Québec comme une injustice fondamentale. Oui. Dans tous les partis politiques. C'est vraiment quelque chose qui ne se limite pas au Parti québécois. C'est vraiment, ça fait de l'unanimité. Ce qui s'est passé est inacceptable. Du côté du Canada anglais, M. Trudeau cherche à présenter ça comme un grand accomplissement, etc. Mais il va toujours y avoir un malaise qui va rester, une espèce de d'arrière-goût. Il y a un doute, autrement dit. Même si on est content, oui, la Constitution est rapatriée, il y a un doute. Québec est quand même pas là. La fête est pas aussi belle qu'on l'aurait voulu. Et ça va. Et les gens vont quand même demeurer avec un sentiment de doute. Et ça reste l'état actuel des choses. Oui, encore absolument. Aujourd'hui. Oui. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège d'Anson, auteur du livre La bataille de Londres, dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, publié aux éditions Boréal en 2013. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche, Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives, Mario Bolduc, site Internet, Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui, Maurice Côté. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.